Toujours à la même occasion et le même jour, les représentants diplomatiques et des institutions internationales en Corée ont visité le salon des 21e Floralies de Kim Jong-il et l'exposition de la culture de Pyongyang.